يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module initial, retranscrire une lettre. Chapitre 1, dictée 10, écris la lettre que tu entends avec la voyelle courte correspondante. Première lettre. Si. Si. Si. Si. Si. Deuxième lettre. I. I. I. I. I. Troisième lettre. B. B. B. B. B. Si tu as acheté la formation, la correction est disponible sous la vidéo dans ton espace personnel. Si tu n'as pas encore acheté notre formation de plus de 300 dictées progressives, le lien est en description et tu peux répondre en commentaire.